je teste, je kiffe, alors best again, Bert, que je tâte. Best again, Bert, que je baisse, ta groupe ou la houppe.